France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. Nous y voilà. C'est la suite de notre histoire singulière du week-end. Hier, Catherine Escrive et Rafik Zénine nous ont raconté comment la ville de Montargis s'était retrouvée sous les eaux en raison d'une crue phénoménale, le matin du 1er juin 2016. Les habitants de Montargis ont découvert leur quartier complètement inondé. Ils n'avaient jamais vu cela. L'eau était montée en quelques heures et s'était engouffrée partout par les fenêtres. À l'intérieur des maisons, c'était la désolation. Pendant que les habitants se démènent dans un formidable élan de solidarité, ils découvrent en parallèle que l'eau a aussi fait beaucoup de dégâts dans les sous-sols de l'un des musées de la ville et les œuvres d'art sont en grand danger. Dans le second épisode, voici l'histoire d'une autre solidarité qui se met en place pour sauver les trésors du musée Girodet. Montargis, après nous le déluge. L'art sauvé des eaux. Rafik Zénine, Catherine Escrive. À Montargis, pour le sauvetage des œuvres du musée Girodet, l'élan collectif est immédiat. Des bénévoles agissent ensemble, dans une même énergie, pour que l'art soit sauvé des eaux. Damien, responsable eau potable au niveau de l'agglomération montargoise. Lorsque le bâtiment a été classé et la crue a été classée en alerte rouge, là, il a fallu commencer à intervenir rapidement et puis s'est organisé ensuite le début du sauvetage avec la chaîne de solidarité pour essayer de sauver ce qui pouvait être sauvé. Alors, à côté de vous, Damien, on rencontre... David, j'ai intermittent du spectacle. Et à côté de vous, un autre intermittent du spectacle. Oui, Julien. Voilà. Alors donc vous avez participé au sauvetage immédiat. Comment ça s'est passé? Vous vous êtes mis au service tout de suite de l'agglomération? Vous avez été touché par ce qui se passait? Qu'est-ce que ça a remué en vous finalement? Touché, oui, parce que les œuvres sont notre métier déjà. On travaille déjà au musée, donc les œuvres nous touchent. Déjà, c'est nous qui les avons placées au moins deux, donc on connaît la disposition des choses, et quand l'eau est arrivée, on a compris que c'était un gros sinistre et qu'il fallait forcément y aller et faire quelque chose, quoi. On remontait des pièces qui étaient quand même très abîmées, voire des toiles, des chiffons, voilà, plein d'eau, et de voir la réactivité des restaurateurs qui ont forcément un petit moment de choc quand ils voient des œuvres, et de voir la réactivité à laquelle ils vont tout de suite essayer de trouver des solutions face à un bout de chiffon quand même. Et de voir, oui, quelques semaines après, ces toiles sur des planches qui commencent à être recollées, tout ça, ça c'était vraiment impressionnant. Et puis de travailler vraiment avec eux parce que il fallait sortir des formats de planches pour pouvoir stabiliser les toiles, faire des étagères de séchage. Enfin, il y a eu vraiment énormément de choses à faire, tout en travaillant tout le temps avec les restaurateurs. Ça, pour nous, c'était vraiment intéressant. En fait, tous ces gens qui arrivaient de nulle part pour venir nous aider, c'est vrai que ça a été vraiment magique. L'autre point intéressant, c'est qu'on est sur des gens qui sont effectivement habitués au contact des œuvres, mais qui ne sont pas des gens de musée. Hein, ce sont des intermittents du spectacle, ils ont l'habitude des événements. Et là, on se retrouve sur un format qui leur correspond tout à fait. Équipe qui se forme dans l'instant, voilà, on ne connaissait pas les gens avant. 2 heures après, on travaille ensemble, et on se connaît, on se parle, comme si on avait toujours bossé ensemble. L'habitude de bricoler aussi, d'être dans une situation toujours différente. Un spectacle, c'est jamais pareil d'un moment, d'un jour à l'autre. Et là, toujours, voilà, problématique, on construit, on soude, on coupe des planches. Et tout ça avançait à une vitesse, et les spécialistes, donc Éléonore en particulier, étaient complètement scotchés parce que ils faisaient, on a besoin de ça, et hop, l'heure d'après ça arrivait. Il faut un camion comme ci, il faut un camion frigo, il faut. Les choses arrivaient presque, c'était Aladdin, et voilà, on frottait la lampe, et les choses arrivaient. Et ça a permis une fluidité, alors dans un travail qui en bas se dégradait de jour en jour, il faisait de plus en plus chaud, les moisissures devenaient de plus en plus prégnantes, ils avaient des masques de plus en plus qui empêchaient carrément de respirer, au bout d'un moment, il fallait rester une demi-heure, il fallait remonter. Mais malgré tout, le travail a avancé jusqu'à la dernière œuvre qu'on a pu remonter. On a remonté le Saint-Michel quelques jours après ensemble, qui passait pas non plus dans l'ascenseur, qui de toute façon ne fonctionnait plus. Tout ça dans un éclairage un peu limité, parce qu'il y avait plus de courant, enfin tout avait été noyé. Ça a été un boulot énorme, et ces équipes-là, avec qui on a l'habitude de travailler depuis longtemps, dans d'autres circonstances, ont vraiment montré une efficacité qui a vraiment sidéré les gens de musée. Donc ce plan, à l'initial, il était déjà entoilé? Oui, il était entoilé. Je crois qu'il y a un intermédiaire de papier. Il y a un papier, il y a un petit papier, voilà. Il y a un papier japonais intermédiaire. Et alors, je pense que en fait, il a une colle qui est, je ne sais pas si c'est une méthylcellulose ou un amidon, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se décolle facilement parce que il s'est déplacé. Il s'est déplacé sur la toile. Je suis Isabelle Drieux-Larochelle. Parce qu'il était très bien. Ma spécialité, c'est le dessin, la restauration qu'on appelle art graphique, et qui regroupe toutes les œuvres sur papier. Alors là, Isabelle, vous vouliez nous montrer une première œuvre sauvée à Montargis dans les premiers jours. Oui, c'est ça. C'était, on a un peu attendu avant de la voir arriver parce qu'elle était très grande. Elle devait être en fond de réserve et elle était en plus difficile à sortir. C'était une œuvre qui allait rentrer en restauration parce qu'elle était très très fragile et qu'on ne pouvait pas la manipuler. C'est un pastel, il y a de la pierre noire et de la sanguine et un lavis d'aquarelle. C'est donc un peu une technique mixte. Sur un papier vélin de la deuxième moitié du 19e siècle, donc un papier qui s'est fortement oxydé. En plus, il n'y avait pas de verre sur ce dessin qui mesure 2,40 m par 160. Donc c'est un grand format. Ce qui fait qu'au moment de l'inondation, le papier mouillé a craqué. Et en plus, quand on l'a sorti, il s'est complètement affaissé. Au départ, on n'avait pas forcément pensé tout décoller, tout défaire. Et du fait de l'inondation, comme il était déchiré en deux et qu'il y a eu aussi un début de moisissure sur les bords, on a été obligé de le remouiller intégralement. Et là, en fait, se sont décollées des pièces qu'on n'avait pas prévu de décoller. Et en décollant ces pièces, on a trouvé en dessous un état précédent, avec un dessin abouti. Et ça nous a permis de reconstituer l'histoire un peu de ce carton. C'est un dessin préparatoire pour un tarsia en marbre, une marqueterie de marbre. Stéphanie Martin, je suis restauratrice de peinture, spécialisée dans la couche picturale. C'est par vous que j'ai d'abord découvert l'histoire de Montargis. J'aimerais que Stéphanie Martin, vous nous racontiez dans quelles circonstances vous vous êtes rendue à Montargis juste après les inondations. Alors, le musée de Montargis m'avait déjà contactée pour faire un devis, 2 ans avant, pour voir un tableau. Et les tableaux étaient déjà entreposés dans ces fameuses réserves temporaires dans une banque, dans les coffres d'une banque. Et donc, j'étais allée faire un devis sur un grand tableau. Et lorsque j'ai appris l'inondation et ce qui est survenu à Montargis, tout de suite, j'ai appelé le musée pour leur demander s'ils avaient besoin de mon aide. Et à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de temps, mais je leur ai consacré, je sais pas, 3 jours. Donc c'est peu, mais c'était de manière assez rapide. Je suis partie assez rapidement. Et là, ce fut une expérience sur place incroyable. Parce que finalement, on était des maillons de la chaîne, mais on était important, mais il y avait tellement d'autres personnes et d'autres, il y avait une énorme énergie venant de bénévoles, d'intermittents du spectacle qui étaient venus là aider. Nous, on avait un regard, bien sûr, plus spécialisé, et ce fut de grandes journées de travail. On n'a pas vraiment compté nos heures du tout. C'était bien sûr bénévole et... Enfin, bien sûr, en tous les cas, ça l'était. Et puis, ça se posait pas, la question ne se posait pas à ce moment-là. Face à tout ça, il va falloir opérer et être ingénieux, partager, discuter, échanger, et puis agir. Parce que le temps va vite, il fait assez chaud, donc l'eau s'évapore et peut et crée à ce moment-là des dommages considérables. Mathieu Gilles, responsable de la filière peinture au département restauration du C2RMF. Donc le C2RMF, c'est le Centre de recherche et de restauration des musées de France. Alors là, vous nous amenez dans quel coin de votre centre ? Alors je vous amène dans les ateliers de restauration qui se trouvent sur le site de Versailles. Nous avons un autre site à Paris également. Et ces ateliers de restauration sont divisés en ateliers pour le travail sur le support des tableaux et ateliers pour le travail sur la couche picturale. Voilà, nous nous situons vraiment à deux pas du château. On est à deux pas du château, on ne va pas en dire plus pour des raisons de sécurité. D'accord, on vous suit. Sinon, donc, que c'est plus logique de passer support. Voilà, pour suivre, même si tous les tableaux ne suivent pas le même parcours, parce que chaque tableau a une problématique différente. Donc les interventions de restauration sont programmées en fonction de la problématique de chaque tableau. Mais bon, on va dire qu'il y a deux grands cas de figure, ceux qui ont besoin d'être traités en support d'abord et ceux qui peuvent être traités en couche picturale tout de suite. Mais le support est souvent, pour les opérations les plus complexes, traité en premier, donc on va monter en support en premier. Voilà, donc là, vous pouvez voir dans cet atelier de traitement du support toile des peintures un certain nombre d'œuvres. Toutes ne sont pas de Montargis, mais la plupart sont quand même de Montargis. Donc on peut effectivement avancer. Et peut-être que Sidonie pourrait vous en parler mieux que moi, puisqu'elle est responsable de toutes les collections. Donc, Moi, auparavant, j'aimerais que vous nous décriviez la manière dont ces œuvres sont presque soignée, parce qu'on sent bien qu'il y a des installations vraiment spécifiques pour leur faire retrouver leur aspect presque d'origine. Si vous nous décrivez par exemple ce qu'on voit sur cette table. Alors sur cette table, vous avez un tableau qui est une vue de l'intérieur de l'église de Montargis, je parle sous le contrôle de Sidonie, qui a eu un premier traitement en couche picturale, donc les vernis ont été déjà allégés, et qui est maintenant en support. Donc là, vous le voyez en extension, il n'a plus de châssis, et il est arrivé sur fond, c'est-à-dire sur une planche, donc il est collé sur un intissé qu'on voit sur les bords, et l'intissé est tendu sur les montants latéraux du bâti, ce qui permet de préparer le tableau à sa future mise sur un châssis définitif. Oui, on sent, Mathieu Gilles, qu'il y a une drôle d'atmosphère dans cette pièce. Est-ce que c'est lié à la conservation, au taux d'humidité ? Il y a un bruit de ventilation ? Alors, vous entendez le bruit d'une aspiration un petit peu plus loin, effectivement, dans un atelier un peu plus loin. Il y a une atmosphère qu'on essaye de contrôler au mieux ici, autour de 50% d'hygrométrie, d'humidité relative dans l'air, pour pouvoir opérer les interventions dans les meilleures conditions possibles. Je vais en profiter pour vous montrer certains équipements de photographie qui donc sont un des... Ah, je peux même vous présenter Philippe Salinson, le photographe. Bonjour. Donc Philippe est notre photographe à Versailles, sur le site de Versailles. Et la spécificité de Montargis, c'est que de nombreux tableaux étaient recouverts de papier de protection. Donc on n'a pas forcément réalisé l'imagerie classique que l'on fait sur un tableau à l'arrivée d'un tableau dans nos ateliers. D'habitude, le tableau arrive et Philippe fait des photographies en lumière visible, en ultraviolet, en infrarouge, des radiographies qui servent beaucoup donc aux restaurations. Mais là, comme les tableaux étaient protégés par des papiers de protection pour éviter que les écailles de peinture ne tombent, eh bien, on a été obligé de ne pas faire l'imagerie tout de suite. Et en revanche, on l'a fait ponctuellement après en tant que de besoin. Voilà. Là, les appareils sont des appareils différents Non, c'est des appareils classiques, j'imagine. Alors, pour les prises de vue, on utilise un appareil moyen format qui permet d'avoir une résolution un peu supérieure aux appareils grand public, qui contient à la fois beaucoup de pixels, mais aussi une surface relativement grande qui permet une meilleure différenciation des données sur l'original. En plus, derrière, il y a un traitement des couleurs qui est un peu plus sérieux que ce qu'on peut faire dans la photographie grand public, ce qui permet ensuite d'avoir un traitement et d'harmoniser les résultats, d'avoir des résultats qui sont toujours reproductibles, toujours identiques d'une image à l'autre, d'un tableau à l'autre même, ce qui permet de faire des comparaisons sous différents rayonnements, par exemple la fluorescence ultraviolette. On a d'autres types d'appareils, mais qui sont pour le coup pas des appareils de photographie, mais des appareils plus scientifiques, qui permettent de voir davantage des couches sous-jacentes, voir des dessins préparatoires, voir des couches effacées qui ont été recouvertes, voilà, tout ce genre de choses. Alors que la fluorescence ultraviolette est, pour les tableaux en tout cas, davantage pour voir les différentes générations de vernis qui fluorescent de manière différente, en surface. Ça veut dire qu'on peut faire, grâce aux photographies, des sortes de radiographies des œuvres. On peut dire radiographie des œuvres, mais ici, on dissocie bien la radiographie, parce que la radiographie existe bel et bien avec le procédé par rayon X. Donc, on l'appelle pas radiographie, mais on peut utiliser le terme. Effectivement, c'est un peu une vision un peu scientifique du tableau, mais le rayon X permet, lui, de ne pas voir ni en surface, ni derrière les couches sous-jacentes, mais carrément en totale profondeur, comme un squelette humain peut être vu avec tous ses organes superposés avec les os. Le tableau, lui, permet de voir à la fois la couche picturale superposée à la sous-couche, superposée elle-même à la toile, elle-même sur le châssis. Tout est compacté comme différents calques superposés. Ça signifie que les restaurateurs utilisent également les photographies que vous avez prises pour préparer leurs travaux de restauration. Oui, tout à fait, oui. Ils s'en servent à plusieurs niveaux. D'abord, ils se servent des photographies pour établir la quantité de travail qu'il y aura à faire. Et ensuite, ils s'en servent pendant leurs travaux pour savoir exactement où il faut intervenir, où il ne faut pas intervenir. Et je pense que c'est un outil, à la fois la radio et la prise de vue, est un outil assez important pour eux pour quantifier la masse de travail qu'il y a à faire sur une œuvre. Pardon, merci Philippe. On se sent un peu comme dans un hôpital pour œuvres d'art ici. Tout à fait. Un peu comme si elles étaient vivantes, ces œuvres. C'est l'impression qu'on a ici. Mais elles sont vivantes. Elles sont vivantes. C'est pas parce qu'elles ont 300 ans ou 400 ans qu'elles ne sont pas vivantes. Elles sont vivantes d'une part parce qu'on s'occupe d'elles et parce qu'on les regarde et parce qu'il y a un public pour les regarder. Mais même dans un sens beaucoup plus basique, elles sont vivantes parce qu'elles sont dans des matériaux en général organiques, ou pas organiques d'ailleurs, mais qui évoluent avec le temps, qui évoluent avec le climat, qui évoluent avec les hommes. Et donc elles sont effectivement vivantes à tous les sens du terme. J'ai entendu dire qu'il y avait une momie dans le musée. Qui a également été détériorée, mais elle n'a pas été passée au rayon X ici, cette momie. Alors là, je ne sais pas, je laisse Sidonie, je sors ma carte Sidonie, et la momie n'est pas de la peinture, donc je n'ai pas d'informations à ce sujet. Oui, c'est un peu le roman de la momie, c'est vrai, vous avez raison. C'est quelque chose d'assez inédit, parce que cette momie, a été inondée pendant 3 jours comme le reste, donc vous imaginez que c'est quand même pas facile. Et puis quand elle était sortie de la réserve, il y a eu tout un petit épisode parce qu'il y avait le sarcophage, mais elle était conditionnée à l'intérieur, donc bien conditionnée, mais conditionnée à l'intérieur. Et les restaurateurs qui s'en sont chargés ont demandé « Ah, sarcophage tel numéro, il y a une momie dedans ou pas ?» parce qu'ils voulaient quand même être prévenus pour pas avoir un choc en sortant. Et moi, j'étais noyée dans les numéros d'inventaire, les papiers, tout ça dans le noir, vous imaginez. Je dis « Oui, non, c'est bon, c'est le sarcophage qui a pas de momie. » Ils l'ont pris, ils l'ont trouvé et « Ah, si, il y a la momie. » Voilà, ça c'est le premier épisode. Et puis la momie, au bout de 48 heures de séchage, elle n'avait pas séché, donc il a fallu prendre une décision. Et Éléonore Kissel, qui coordonnait tout, a téléphoné à droite, à gauche, à toutes ses relations, etc. Personne n'avait jamais eu ce cas de figure d'une momie qui commençait à quelque part revivre, on va dire. Et elle a pris la décision de la congeler 48 heures après la sortie de la réserve. Et depuis, la momie est toujours congelée. Et des réflexions ont été menées sur la manière de restaurer au mieux cette momie, du moins pour la décongeler dans un premier temps. Alors, Stéphanie Martin, Gilles Mathieu nous disait que ses œuvres, il considérait qu'elles étaient vivantes. Pour vous, c'est le cas aussi ? La matière est toujours vivante. Oui, parce que la toile va bouger, les bois vont gigoter, des craquelures vont apparaître. Et ça, moi, un tableau craquelé, ce n'est pas gênant. Ça dépend au niveau de la conservation, bien sûr, il y a plein de degrés. Mais ce sont des traces de l'histoire. De Ségolène Bergeon qui avait parlé de l'histoire matérielle des œuvres et c'est capital. Toutes ces traces d'usage des objets. Oui, les peintures sont des œuvres vivantes, oui, bien sûr. Et aujourd'hui, on est plus dans un courant pour les restaurateurs de laisser ces traces apparentes, des traces du passé. Il y a... est-ce que ça a toujours été le cas ? Il y a vraiment un grand passage, c'est en 1978 avec la charte de Venise qui met en place une charte de déontologie du restaurateur. Voilà. Avant, les restaurateurs, au 19e, début 20e, etc., étaient encore des peintres. Ça ne veut pas dire qu'on ne peint pas dans nos ateliers, dans nos maisons, voilà. Mais en tous les cas, on fait vraiment la différence. Lorsqu'on restaure et on respecte. Et du coup, il y a des principes de réversibilité autant que possible, de matériaux réversibles, donc ils peuvent s'en aller. Mais certains actes, comme le nettoyage, ne sera pas un acte réversible, puisqu'on va enlever de la crasse, enlever des vernis. Donc tout ça, c'est un respect, c'est une manière de réfléchir, surtout quand on a une œuvre, quelle que soit, Montargis ou pas, on réfléchit avant de toucher. Voilà. Et puis après, on agit. Et il y a tout un penchant, bien sûr, minimaliste, où on essaie d'utiliser le moins de matériaux possible. Mais c'est pas forcément vrai. Voilà, ça dépend. Il faut s'adapter. C'est à chaque fois des cas différents, parce que en apportant une autre matière, finalement, on change l'intégrité même de l'œuvre. Alors c'est tout droit, au fond, à droite. Merci. Vous, Bertrand Bedel, vous avez une spécialité dans le domaine de la restauration ? Moi, oui, je suis spécialisé dans tout ce qui concerne la restauration de la couche picturale. Donc, décrassage de la surface, de la peinture. J'éliminerai les vernis jaunis pour les remplacer. J'éliminerai tout ce qui est repeint, dénaturé, qui pourront recouvrir l'original. Voilà. Puis après, je retouche au niveau des lacunes pour redonner une cohésion à une peinture, quoi. Si la peinture comporte beaucoup de lacunes, des usures, voilà. Mon travail, c'est ça, c'est de redonner une cohésion à l'image, en fait. Alors, Bertrand Bedel, justement, quelles sont les œuvres qui vous ont été attribuées dans ce fameux lot de Montargis ? Alors moi, avec 10 collègues, je vais m'occuper des œuvres du lot 7, dont il y a deux peintures de Janssen, les plus importantes du lot, et puis le lot 11, qui est constitué d'œuvres sur papier marouflé sur toile, enfin différentes techniques, quoi. Alors, Hieronymus Janssen, c'est un peintre flamand de la deuxième partie du 17e. Voilà, donc là, les deux peintures sont deux pendants. Qui font 1,70 m sur 1,20 m. Et ces deux peintures représentent un cabinet d'amateurs, en fait. Je vais vous montrer plutôt la photo, parce que là, c'est avant nettoyage, donc vous voyez, il y a beaucoup de chancis. La lecture de l'œuvre est mauvaise. Voilà, on verra un petit peu mieux là. Donc là, c'est après nettoyage. Oui, c'est bien mieux là. Voilà, donc là, c'est plus lisible, parce que l'œuvre était couverte de chancis et on ne voyait plus la couche picturale. Qu'est-ce que c'est le chancis ? Le chancis, en fait, c'est une... Le chancis touche soit le vernis, dans ces cas-là, c'est une micro-fissuration du vernis par l'action de l'humidité. Il peut toucher aussi le liant de la peinture. Et blanchir la matière en profondeur. Comment vous allez vous pencher au chevet de cette œuvre ? Comment vous allez procéder ? Quelles sont les étapes à venir ? Donc là, ces tableaux ont été nettoyés. Il y a déjà eu un premier travail de consolidation de la couche picturale par les restaurateurs de support. Et ensuite, les restaurateurs de couches picturales donc récupéreront le tableau pour donc on va mastiquer. Il y a des lacunes, vous voyez, il y a des lacunes là qui devront être mastiquées. Qu'est-ce qui choque votre œil là, par exemple? Là, vous voyez les usures là importantes sur l'entablement là de l'architecture. Attendez, je vais essayer de grossir l'image. Vous voyez là, donc tout ça, en fait, ce tableau là présente tout un tas d'usures, mais qui existaient déjà, qui ne sont pas dues au désastre de 2016, en fait, à l'inondation de 2016. Alors ces usures empêchent de lire l'image et vont devoir être repiquées jusqu'à ce qu'on arrive à lire l'image, en fait. Alors, si j'ai bien compris, dans le domaine de la restauration, il y a diverses écoles. Et il y a une école qui indiquerait que on doit laisser apparaître certaines altérations dues au temps. oui, non, c'est très important de respecter le passage du temps. Voilà. Donc, quand une œuvre est très usée, on ne va pas chercher à masquer toutes les usures, en fait, à repiquer toutes les usures. On va repiquer les usures qui empêchent d'apprécier les qualités picturales de l'œuvre. Le but, c'est de reprendre ce qui gêne. Les craquelures, bien sûr, on n'y touche pas. Ça fait partie du vieillissement de l'œuvre. Dès que l'image va apparaître, on s'arrêtera. Oui. Et pour l'inondation, elle sera visible sur l'œuvre? C'est-à-dire les restaurateurs qui, dans 150 ans ou 200 ans, vont travailler dessus, vont pouvoir lire cette mémoire de l'œuvre? Bon, il y a des chantiers très profonds qu'on ne va pas pouvoir résorber. Certains chantiers vont pouvoir être résorbés en utilisant une résine à très faible poids moléculaire qui va s'insérer dans les pores. Parce qu'en fait, le chantier, c'est une formation de pores dans la matière, de petites pores, micropores. Et quand on peut essayer de résorber ce chantier en insérant une résine à faible poids moléculaire qui vont combler les pores et redonner de la continuité à l'image, en fait. Mais parfois, c'est pas possible. Et dans ces cas-là, on est obligé de glacer le chantier. Et là, pour certains tableaux, on glacera ce qui sera le plus gênant pour la lecture de l'œuvre, mais certains chantiers subsisteront et seront un rappel de l'inondation de 2016. Ouais. Vous parlez de pores comme on parle de pores d'un épiderme, de la peau. Oui, des pores, des petites tubulures, enfin. L'ironie du sort, le musée Girodet donc porte le nom d'un peintre qui a peint un tableau qui s'appelle Scène de déluge en 1806 et qui montre, vous pouvez le voir au Louvre, c'est un père qui porte sur son dos son propre père et qui retient par la main sa femme qui elle-même porte un de leurs enfants pendant qu'un autre de leurs enfants s'accroche à ses cheveux. Donc c'est une chaîne humaine en grande diagonale qui occupe tout l'espace et qu'on voit bien qui est en train de tomber puisque l'arbre craque. Voilà. Et plusieurs amis avec qui j'ai discuté sur le moment m'ont dit mais c'est un comble, voilà, le peintre de la scène de déluge se fait lui-même inonder et c'était l'occasion. Mais ce tableau en effet a eu d'autres résonances pour moi parce que au centre exact du tableau se trouve la main de l'homme qui tient la main de la femme et c'est ce symbole qui m'a vraiment touchée parce que c'est ce qui s'est passé à Montargis, c'est-à-dire qu'on a reçu de l'aide de bénévoles qui sont venus sans qu'on les appels parce que c'était vraiment le bouche à oreille. Un tel a lancé un appel sur Facebook, un autre a appelé « Ah, mais c'est un tel, il faut absolument qu'il vienne. » Et chacun ne s'est pas posé de questions. Je pense que ça fait partie de la déontologie de leur profession. Ils sont au service du patrimoine et quand le patrimoine est en danger, ils ne se posent pas de questions. Ils viennent, ils laissent parents, amis, famille, même le week-end pour certains. Ils payent de leur poche le voyage et ils viennent. C'est ce qui s'est passé à Montargis. Montargis, après nous le déluge. Avec Hervé Mauplot, David et Julien, Isabelle Drieux-La Rochelle, Alexandra Mauduit, Stéphanie Martin, Bertrand Bedel de Buzaringue, Mathieu Gilles, Philippe Salinson, Sidonie Lemeufretto. Prise de son, Yann Frécy. Documentation INA, Amélie Briand-Lejeune et Sabine Dahuron. Mixage, Alain Joubert. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Catherine Escrive, réalisé par Rafik Zénine. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain, nous parlerons mannequin. Ou robot. Poupée. résine ou plastique. En fait, c'est un peu compliqué, mais c'est une autre histoire.